Salutations, bon matin, je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre lecture audio biblique quotidienne. Alors bienvenue à LLB, c'est Maxime qui a le plaisir d'être votre hôtesse ce matin. Nous sommes mardi le 28 février, donc déjà le dernier jour du mois de février qui s'achève et un nouveau mois qui commence demain. Et nous continuons notre lecture, aujourd'hui dans la version français courant. Toujours à partir des studios du ministère Cœur d'encre, qui est l'instigateur de ce projet de lecture audio. Donc, commençons notre lecture sans plus tarder, toujours dans le livre de Lévitique, pour ce qui est de notre lecture des livres de la Pentateuque. Nous lisons aujourd'hui Lévitique chapitre 22, le verset 26, jusqu'au chapitre 24, le verset 9. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à bien comprendre et à méditer sa parole. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Après sa naissance, un veau, un agneau ou un chevreau doit être laissé auprès de sa mère pendant une semaine. À partir du huitième jour, j'accepte qu'on me le présente en sacrifice consumé. » Mais n'abattez pas une vache, une brebis ou une chèvre le même jour que son petit. Quand vous m'offrez un sacrifice accompagnant un chant de louange, faites-le selon la règle de manière à obtenir ma faveur. Mangez-en la viande le jour même sans rien en laisser pour le lendemain. Je suis le Seigneur. Prenez bien soin de mettre en pratique mes commandements. Je suis le Seigneur. Ne me déshonorez pas. Vous devez au contraire, vous les Israélites, manifester que je suis le vrai Dieu. C'est à moi, le Seigneur, que vous appartenez en propre. Je vous ai fait sortir d'Égypte afin de devenir votre Dieu. Je suis le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Lors des fêtes solennelles célébrées en mon honneur, vous devez vous rassembler pour m'adorer selon le calendrier que j'ai fixé. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, mis à part pour que vous vous rassembliez en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail pendant le sabbat, mais me consacrer ce jour, quel que soit l'endroit où vous habitez. Les autres fêtes solennelles, lors desquelles vous vous rassemblerez en mon honneur, seront célébrées aux dates suivantes. Le 14e jour du premier mois de l'année, dès le soir, célébrez en mon honneur la fête de la Pâque. Le 15e jour du même mois commencera en mon honneur la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, le pain que vous mangerez sera sans levain. Le premier jour de cette semaine, vous vous rassemblerez pour m'adorer. Ce jour-là, vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire. Chaque jour de la semaine, vous m'offrirez un sacrifice consumé. Le 7e jour, vous vous rassemblerez également pour m'adorer. Ce jour-là non plus, vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe que vous récolterez. Le prêtre me la présentera solennellement le lendemain du sabbat, afin que vous obteniez ma faveur. Le même jour, vous m'offrirez un agneau d'un an, sans défaut, en sacrifice complet. Il sera accompagné d'une offrande consumée de 6 kilos de farine pétrie avec de l'huile, dont j'apprécierai la fumée odorante, et d'une offrande d'1,5 litre de vin. Vous ne mangerez aucun produit de cette récolte, ni pain, ni épi grillé, ni grain nouveau, avant le jour où vous m'apporterez la gerbe en offrande. Vous observerez cette prescription en tout temps et quel que soit l'endroit où vous habiterez. Vous compterez 7 semaines complètes à partir du lendemain du sabbat où vous aurez offert solennellement la première gerbe. Cette période de 50 jours s'étendra donc jusqu'au lendemain du 7e sabbat, jour où vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez de chez vous 2 pains pour me les offrir solennellement. Chaque pain sera préparé avec 3 kilos de farine et cuit avec du levain. Cette offrande me sera faite sur les premières céréales récoltées. Vous amènerez, en plus de cette offrande de pain, 7 agneaux d'un an sans défaut, un taureau et 2 béliers destinés à m'être offerts en sacrifice complet, avec les offrandes de farine et de vin correspondantes. Ce sont des sacrifices consumés dont j'apprécierai la fumée odorante. Vous offrirez en outre un bouc en sacrifice pour obtenir le pardon et 2 agneaux d'un an en sacrifice de communion. En même temps que les pains, le prêtre m'offrira ces animaux, y compris les 2 agneaux, avec le geste de présentation. Toutes ces offrandes reviendront au prêtre puisqu'elles m'ont été consacrées. Le même jour, vous aurez un rassemblement pour m'adorer et vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire. Vous observerez cette prescription en tout temps et quel que soit l'endroit où vous habiterez. Quand vous moissonnerez, vous ne couperez pas les épis qui ont poussé en bordure de vos champs et vous ne retournerez pas ramasser les épis oubliés. Vous les laisserez pour les pauvres et pour les étrangers. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Le premier jour du 7e mois, vous observerez un jour de repos, jour de souvenir et d'ovation, marqué par un rassemblement en mon honneur. Vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire et vous m'offrirez un sacrifice consumé. Le Seigneur dit à Moïse, « Le 10e jour du 7e mois sera le grand jour du pardon des péchés. Vous vous rassemblerez en mon honneur, vous jeûnerez et vous m'offrirez un sacrifice consumé. » Vous ne devrez faire aucun travail parce que c'est le jour solennel où l'on effectuera sur vous le geste rituel du pardon, devant moi, le Seigneur votre Dieu. Toute personne qui négligera de jeûner ce jour-là sera exclue de la communauté d'Israël, et j'éliminerai moi-même du peuple d'Israël toute personne qui accomplira un travail quelconque en ce jour où tout travail vous est interdit. Vous observerez cette prescription en tout temps et quel que soit l'endroit où vous habiterez. Vous en ferez un jour de repos, semblable au sabbat, et vous jeûnerez. Vous observerez ce repos sabbatique du 9e jour du mois au soir jusqu'au lendemain soir. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. À partir du 15e jour du 7e mois, on célébrera pendant une semaine la fête des huttes en mon honneur. Le premier jour, vous vous rassemblerez pour m'adorer et vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire. Chaque jour de la semaine, vous m'offrirez un sacrifice consumé. Le 8e jour, vous vous rassemblerez de nouveau en mon honneur et vous m'offrirez également un sacrifice consumé. Le jour de ce rassemblement final, vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire. À l'occasion de ces fêtes solennelles célébrées en mon honneur, vous vous rassemblerez pour m'adorer et pour m'offrir des sacrifices complets avec des offrandes végétales ou des sacrifices de communion avec des offrandes de vin, selon le rituel propre à chaque fête. Ces sacrifices s'ajoutent à ceux qui me sont offerts les jours de sabbat, comme à tous les dons et sacrifices que vous pouvez m'offrir de manière spontanée ou pour accomplir des vœux. Le 15e jour du 7e mois, après avoir récolté les produits de la terre, vous commencerez à célébrer une fête d'une semaine en mon honneur. Le 1er et le 8e jour seront des jours de repos. Dès le 1er jour, vous vous munirez de beaux fruits, de feuilles de palmier, de rameaux d'arbres touffus ou de saules des torrents, et vous manifesterez votre joie devant moi pendant toute la semaine. Chaque année, vous célébrerez cette fête en mon honneur pendant une semaine au cours du 7e mois. Vous observerez cette prescription en tout temps. Durant cette semaine, vous, les Israélites, vous devrez tous vous installer dans des huttes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter leurs ancêtres dans des huttes lorsque je les ai conduits hors d'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse communiqua aux Israélites la liste des fêtes à célébrer en l'honneur du Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de te fournir de l'huile d'olive de la meilleure qualité, afin que tous les soirs les lampes soient allumées. Aaron placera le porte-lampe dans la tente de la rencontre, devant le rideau qui cache le coffre de l'Alliance. Les lampes brûleront du soir au matin devant moi. Cette règle devra toujours être appliquée par vous, de génération en génération. » Aaron placera les lampes devant moi sur le porte-lampe d'or pur pour qu'elles brûlent toutes les nuits. Prends de la farine et fais cuire 12 galettes de pain de 6 kilos chacune. Tu les placeras devant moi sur la table d'or pur en deux piles de 6 galettes. Sur chaque pile, tu déposeras de l'encens pur qui sera ensuite brûlé en mon honneur à la place du pain en tant que mémorial. Chaque jour de sabbat, à perpétuité, on devra disposer devant moi de telles galettes. Les Israélites seront tenus pour toujours par cette obligation. Les galettes reviendront à Aaron et à ses descendants, qui les mangeront dans un endroit réservé du sanctuaire. En effet, puisqu'elles m'ont été offertes, elles me sont strictement réservées, et je les leur donne pour toujours. » Enchaînons avec la lecture du psaume 44, versets 1 à 9. Du répertoire du chef de chorale, poème chanté appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Nous avons entendu de nos propres oreilles, nos parents, nos grands-parents nous ont raconté ce que toi-même, ô Dieu, tu as réalisé de leur vivant il y a longtemps. Tu as exproprié des nations pour établir notre nation. Tu as mis à mal des peuples pour faire de la place à ton peuple. Nos ancêtres ont conquis le pays, et ce n'est pas grâce à leur épée, ce ne sont pas leurs bras qui leur ont assuré le succès, mais c'est ton intervention en force et ta présence accueillante et ton amour pour eux. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui décide le succès de ton peuple. Grâce à toi, nous repoussons nos ennemis. Grâce à toi, nous piétinons nos adversaires. Je ne me fie pas à mon arc et mon épée ne m'est d'aucun secours, car c'est toi qui nous sauves de nos adversaires et humilie ceux qui nous en veulent. Tous les jours, nous t'acclamons, Seigneur, et nous louons ta gloire éternelle. Proverbes, chapitre 9, les versets 10 et 11. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours, je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Et nous terminons déjà notre lecture d'aujourd'hui avec notre texte du Nouveau Testament qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 15. Nous lirons ce matin les versets 29 jusqu'au chapitre 16, le verset 12. Jésus partit de là et se rendit au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline et s'assit. Des foules nombreuses vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. On les déposa aux pieds de Jésus et il les guérit. Les gens furent remplis d'étonnement quand ils virent les muets parler, les infirmes être guéris, les boiteux marcher et les aveugles voir, et ils se mirent à louer le Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et dit, « J'ai pitié de ces gens, car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont plus rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer le ventre vide, ils pourraient se trouver mal en chemin. » Les disciples lui demandèrent, « Où pourrions-nous trouver de quoi faire manger à sa faim une telle foule dans cet endroit désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » Et ils répondirent, « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis il prit les 7 pains et les poissons, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses disciples. Et les disciples les distribuèrent à tous. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta dans la barque et se rendit dans la région de Magadan. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent de Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer par un signe miraculeux qu'il venait de la part de Dieu. Mais Jésus leur répondit en ces termes, « Au coucher du soleil, vous dites, « Il va faire beau temps car le ciel est rouge. » Et tôt le matin, vous dites, « Il va pleuvoir aujourd'hui car le ciel est rouge sombre. » Vous savez interpréter les aspects du ciel, mais vous êtes incapable d'interpréter les signes qui concernent ces temps-ci. Les gens d'aujourd'hui, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux, mais aucun signe ne leur sera accordé si ce n'est celui de Jonas. Puis il les laissa et partit. Quand les disciples passèrent de l'autre côté du lac, ils oublièrent d'emporter du pain. Jésus leur dit alors, « Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples se mirent à dire entre eux, « Ils parlent ainsi parce que nous n'avons pas emporté de pain. » Jésus s'aperçut de ce qu'ils disaient et leur demanda, « Pourquoi dire entre vous, c'est parce que nous n'avons pas de pain? Comme votre confiance est faible, ne comprenez-vous pas encore? Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains distribués aux 5 000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportées? Et ne vous rappelez pas les 7 pains distribués aux 4 000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que je ne vous parlais pas de pain quand je vous disais « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? » Alors les disciples comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se garder du levain utilisé pour le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et fidèles à notre habitude, nous voulons terminer par la prière. Seigneur grand Dieu, toi qui es le Seigneur, celui qui a fait sortir ton peuple d'Égypte, toi qui es l'unique vrai Dieu, Père éternel, tu es saint, ta gloire est éternelle, tu es notre roi. Nous voulons ce matin, Seigneur, reconnaître ton autorité et s'approcher de toi dans ta présence accueillante. Seigneur, nous voulons te confesser l'orgueil qui est dans nos cœurs. Nous voulons te confesser notre confiance si faible. Tout comme les disciples, Seigneur, nous avons tellement de difficultés à placer toute notre confiance en toi et notre foi est si petite. Oui, grand Dieu, merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta patience. Merci pour ta compassion. On peut voir, Seigneur, dans le texte qu'on a lu ce matin en Matthieu, la compassion qu'avait Jésus à l'égard des gens, du peuple qui le suivait et qui avait faim. La compassion qu'il avait envers tous les malades qui l'a guéri. Oui, Père éternel, nous désirons te connaître. Toi qui es saint et parfait, nous désirons goûter à tes promesses. Seigneur, nous voulons vraiment reconnaître que toi seul es Dieu et on te demande, Seigneur, de nous aider à avoir la crainte de ton nom et qu'on puisse grandir dans la connaissance de qui tu es vraiment, qu'on puisse grandir en intelligence. Oui, Seigneur, travaille nos cœurs, sanctifie-nous et fais-nous goûter à tes précieuses promesses. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous que nous te prions ce matin. À toi seul l'honneur, mon Dieu, mon roi. Amen.